ouvre les yeux. Bienvenue dans le monde réel, où chaque jour des soldats tombent. Ouais. Ils sont des millions à s'être engagés. Et tu te demandes pas pourquoi. Des centaines à être revenus. Et tu demandes d'où. Des milliers à avoir combattu. As-tu saisi pour qui? On parle et chante la révolution. L'esprit bouillonne et fusionne. Et quand vient l'action, c'est vrai que souvent là, y'a plus personne. On est loin de toutes les performances physiques. Ce qu'on veut, c'est la loi du juste, de la volonté. Et puis les tripes, inspirer le grand idole. Et certains proches parents, pas de celles et ceux qui te repoussent et t'abandonnent comme un mourant. Te traite de loque, t'insulte, jure par ta mère. Te félicite ou qualifie enfant de la lutte quand y'a la guerre. Te refusant les dernières places, c'est honorable. Mais la seule, ton droit sur le champ d'honneur, c'est la première ligne. Tu marches au pas en cadence, dans les classes à fait tabac. Les canons tirent et t'abattent comme un forçat. Forcé tu l'es, d'engager la course au vaste étendue. Même contre pour, au bout pour toucher l'impact avec un souffle court. Armé, touché, visé au corps, on entend au secours. Et les cris, les larmes, les vaccins, sur toi ça sert à rien. Marchant ou rampant sur le sol avec un membre en moins. Ta vie sauve, ta survie, tu la dois à ton charisme. Qui pourrait douter que les paradis existent et qu'ils t'ont choisi toi l'inconnu pour jouer en playlist. Ils sont des millions à s'être engagés. Tu te demandes pas pourquoi. Des centaines à être revenus. Et tu demandes d'où. Des milliers à avoir combattu. As-tu saisi pour qui? Ils sont des millions à s'être engagés. Tu te demandes pas pourquoi. Des centaines à être revenus. Et tu demandes d'où. Des milliers à avoir combattu. As-tu saisi pour qui? Car j'ai lu ça dans les yeux de mes parents. Les sacrifices sont lourds. Et le pire c'est que ça rend fou de quitter les siens pour l'inconnu. Avec comme seul rêve le retour et comme seul recours en trêve à un quotidien froid, en proie à une chasse perpétuelle. Après les souvenirs, en émotion aussi fort que lorsqu'on sent venir. En plein ébat, galdé pas entre les armes. Ne laisse aucune place à la vie. Tous ceux qui s'en sortent en vie, tous ceux que la faucheuse emporte. J'ouvre les yeux sur un monde déjà vu. Et soutiens le regard lointain. Soldat inconnu, n'ayant plus la même haine, la même dégaine, livré à lui-même aujourd'hui. Bienvenue dans notre monde réel. Le père tirailleur excelle, combattant méritant, manipulé comme pantin par ficelle. Quand vient le duel, l'instant solennel, et qu'il tombe sur le sol, c'est la mort qui vient. La mort, ouais, plus d'une fois je l'ai vu venir. Plus d'une fois. Ils sont des millions à s'être engagés. Tu te demandes pas pourquoi. Des centaines à être revenus. Et tu demandes d'où. Des milliers à avoir combattu. As-tu saisi pour qui? Ils sont des millions à s'être engagés. Tu te demandes pas pourquoi. Des centaines à être revenus. Et tu demandes d'où. Des milliers à avoir combattu. As-tu saisi pour qui? J'étais moi. Pour avoir risqué ma vie, on m'a remis toutes sortes de médailles. Peu importe la taille, le nombre, dans l'histoire tu ne restes qu'un détail. J'ai eu mon nom gravé sur un grand monument. Rien que des boniments. Sur tout ce qu'on nous dit, on nous ment absolument. Je me rappelle encore ce jour où j'ai serré la main du président. Gars, tu résides dans ses rêves comme un cauchemar qui veut vite oublier. Et si dans 10 ans on se rappelle encore de toi, on sera même plus pourquoi. C'est impossible parce que tu vois ça. Ça c'est la Légion d'honneur. Ça c'est quoi? C'est cicatrice. Oh, un bonheur que je suis encore en vie. De toute façon pour ça, tous les mois ils me versent une pension. Quoi? Chacun pour les siens rêve d'ascension. As-tu la prétention de nous avoir apporté quelque chose? Un combat juste et noble. Et c'est ta vie qu'on solde. En retour, pour rien. Non, je me regarde, rien. J'ai combattu dans les tranchées pour libérer les frontières. J'ai rêvé d'égalité en voyant tomber les miens. J'ai pensé servir mes enfants en me sacrifiant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Les filles et les fils de ceux qui étaient au fond hier, traités en paria. Ils sont des millions en esclus, rabaissés. Sans dignité, à être revenu. On a même plus le droit au respect. Des milliers à avoir combattu. C'est comme si on n'existait plus. Maintenant je me rends compte. Ils sont des millions à s'être engagés. Tu te demandes pas pourquoi. Des centaines à être revenu. T'es-tu demandé d'où. Des milliers à avoir combattu. As-tu saisi pour qui? Ils sont des millions à s'être engagés. Tu te demandes pas pourquoi. Des centaines à être revenu. T'es-tu demandé d'où. Des milliers à avoir combattu. As-tu saisi pour qui?